merci, ma mère, de m'avoir fait grâce de la vie. Regarde maintenant comme j'ai grandi. Je suis pas très normal dans le milieu. J'ai le cerveau qui tangue un peu, mais je vis, tant mieux. Je sens des regards sur mes mouvements, accrochés à mes tremblements. Dis-leur, ma mère, d'aller ailleurs, j'ai pas besoin de spectateurs. Merci, ma mère, de m'avoir élevé comme t'as pu. Merci pour le temps que t'as perdu à mériter les roses blanches que je te porterai tous les dimanches si je vis. Merci. Je compte les fleurs quand vient l'été, les gens aux terrasses des cafés. Je reste des heures au bout de leur voix à me demander qu'est-ce que je fous là. Merci, ma mère, m'avoir présenté tes amis. Même si je n'ai pas bien compris pourquoi, en retournant dehors, ils t'ont serré la main si fort. Je vis. Alors, s'ils t'ont dit que malgré mon malheur, j'avais de la joie au fond du cœur, que je riais au moindre mot, je ris, ma mère, je ris trop haut. Voici, ma mère, ce que je dirais si je pouvais parler, si j'avais pas la langue collée, si j'avais pas, n'y pensons plus, au moins j'ai ça, je vis, voilà. Merci pour les années qui passent, pour ces amours que tu remplaces, mes idées qui nagent dans la flotte et le paradis que tu me tricotes. Merci, merci, merci.